présenter Armes. Ibrahim, feu. Ousmane, feu. Amadou, feu. Makomé, feu. Fella, feu. Paix à nos martyrs, tous ceux qui arrivent, ceux qui sont arrivés, tous ceux qui arriveront.